Joyeux Noël en retard, puis bonne année en avance, ou ben à date, tout dépendant de la journée à laquelle vous écoutez cette émission. Bref, en tout cas, pour moi, eh bien, il est aujourd'hui lundi 31 décembre 2018, et puis on vient tout juste d'entendre les trois chansons du démo de Linga Franca qui s'appelle « Au pied du mur », les trois pièces qui se retrouvent sur cette cassette, eh bien, sont Rebelle, Traite et Servir et Protéger. Ça, bien sûr, vous trouvez ça sur l'étiquette Home Record, qui fait des très bonnes cassettes dans la Oi et la Punk à Montréal. Oh que oui! Puis là, on continue en musique avec trois groupes qui sont sur Pirate Press Record. Donc, tout d'abord, on va commencer ça avec Crime, qui nous viennent de Catalogne avec la pièce Oulal de Let's, qui se retrouve sur leur album Pare Nostre, qui est Euster à l'Infern. Donc, tu sais, ça des fois qu'ils se disent, on dirait qu'ils essayent de parler l'espagnol. Ah non, c'est du catalan. Fait que c'est sûr que le catalan, c'est différent de l'espagnol. Fait que, tu sais, des fois, peut-être que je prononce pas super bien. Mais Crime, c'est tout un bon groupe, ça, qui chante en catalan. Yes! Puis après ça, eh bien, on va avoir Booze and Glory avec la chanson Carry On, pièce qui se retrouve sur leur album Chapter 4. Et puis, c'est ça. Puis après ça, vous allez avoir Grade 2 avec des pièces qui se retrouvent sur les rééditions de leurs deux plus récents albums studio. Soit tout d'abord la pièce Ground Out Day, qui elle se retrouve sur la chanson Break the Routine. Et puis, après ça, on va enchaîner ça avec la pièce Rise Up, qui, elle, se trouve sur leur album Mainstream View. Puis c'est ça, leurs deux anciens albums ont été réédités sur Pirate Press Record, là. Donc, tu sais, pour les avoir, là, ben là, vous pouvez les avoir plus facilement, parce que sur Pirate Press, eh bien, tout est disponible plus facilement, disons. Ben, en tout cas, c'est ça, donc, vous avez remarqué, hein, Pirate Press, là, cette année... ils sont dedans, parce qu'ils en sortent en crème du stock, et du bon stock. Donc, allez, let's go, Crime, avec la chanson Lals de Let. Let's go! Mmh. Managed to survive the terror of the modern times. Alors, c'était Grade 2 avec la pièce Rise Up, et tout juste avant, on avait eu de Grade 2, bien sûr, la chanson Groundhog Day. Et au début du bloc, on a eu Crime avec Last the Let, puis après ça, Booze and Glory avec Carry On. Maintenant, on enchaîne en gros oeil, et ça commence tout d'abord avec un groupe de Genève sous escorte de la pièce Peter K. Pièce qui est extrait de leur Sepus, qui est un Sepus éponyme, et qui se retrouve sur l'étiquette Une vie pour rien vinyle depuis, quelques temps, là, vraiment pas beaucoup de temps, parce que c'est sorti en 2018, et que c'est un très bon petit Sepus. Et après ça, Ultra Razia avec la pièce Razia, pièce se retrouvant sur leur album éponyme. Sorti cette année, bien sûr, en vinyle et en MP3. Et la version qu'on va écouter, c'est celle de Primator Crew. Et après ça, Tchernobyl avec la pièce Tchernobyl. Pièce se retrouvant sur leur démo 2019. Je sais que 2019 n'a pas encore commencé, mais leur démo s'appelle de même. Démo 2019. Yeah! Fait que, allez, let's go! Sous escorte et Peter K. Yeah. Ok, alors c'était le groupe français Tchernobyl et la pièce qui porte sur leur groupe, hein, Tchernobyl. Et au début du bloc, on a eu Sous-Escorte avec Peter K, ainsi que Ultra Razia et la pièce Razia. Maintenant, on s'en va à Paris avec l'excellente formation Bomber et 5 pièces extraites de leur tout nouvel album éponyme qui vient de sortir sur Insurgence Record. Alors, on va écouter ça là, en vinyle là, avec Place sous tertre. Après ça, la chanson La Grande Dame, qui est dans le fond une espèce de poème qui sert d'introduction à la pièce Dans le vent. Puis après ça, on va avoir la chanson Pour eux, ainsi que la chanson Serrer les dents. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est extrait du tout nouvel album de Bromure, qui contient 10 chansons, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et puis, très bon album, vraiment du très bon oeil avec du saxophone, là. T'sais, c'est sûr que tout le monde sait que c'est le chanteur de Lion's Lure, mais il chante en français, fait que ça fait différent de Lion's Lure. Puis il y a du saxophone en plus. Fait que tout un bon groupe. Allez, let's go. Bromure. Et ça commence avec la pièce Place sous tertre. Tout cela à Skypunk. Allez, go! Je parle d'une ville qui a une âme. C'est Paris, Paname, la grande dame. On s'accroche pas à ses talons, on préfère vivre sous ses jupons. Des quais de l'Arsenal à Voltaire, autant amants que mercenaires. La gare de Lyon à la main d'or, on reste constant dans l'effort. Moments de joie, les instants moches, tout se consume à la bastoche. Et si fluctua, knec, mergiture, parfois c'est vrai que la murge est dure. Moins chaude que les têtes qui éclatent sur les pavés de la rue de Lappe. Ça vaut pas le coup de traîner ses bottes pour un coup de surin dans la glotte. Mais on trouve aussi des teigneux, des gens bruyants sans trop de cheveux, qui se ressemblent comme une famille et hantent les rues à la Bastille. Communion dans le sous-sol d'un soir, de la mécanique ondulatoire. Au split derrière le rideau fermé, là c'est dans le mille qu'il faut viser. Au bout de la nuit, comme des furieux, on retarde la mise au pieu. On s'en éloigne, on s'en rapproche, mais nos cœurs restent à la bastoche. Dans la pénombre du fanfaron, ou sur les tonneaux du baron, on voit plus trop passer le temps, même quand on change d'arrondissement. Paname, t'es des dalles de calcaire, où il fait si bon faire carrière. C'est ta matrice originelle, qui même cachée, te remplit belle. Tu préfères m'égarer dans ce Paris, plutôt que me perdre en nostalgie. Et si un jour faudra que je te quitte, mes pas me ramèneront bien vite. Paris, c'est cette partie de moi où j'ai gueulé la première fois. Paris, c'est moi qui suis parti, mais je reviendrai vivre tes nuits. Yeah, bromure avec serré les dents. J'espère que vous avez aimé ce tout nouvel LP de bromure. C'est sûr que je l'ai pas fait entendre au complet, là. Je vous en ai fait écouter la moitié. Bref, vous avez entendu les chansons Place sous tertre, La grande dame qui s'enchaînait avec Dans le vent. Et après ça, on a eu Pour eux. Je vous rappelle que ça vient de sortir sur Insurgence Record, que c'est en vinyle, que le vinyle joue très bien, et puis que c'est du méchant bon oeil avec du saxophone. Maintenant, on continue avec The Press, les deux nouveautés qui se retrouvent sur deux EP différents. Tout d'abord, la pièce Factory Press, qui se retrouve sur le EP Torch EP, que vous pouvez retrouver sur Oeil de Boat Record. Et puis après ça, vous allez avoir la chanson Friday 5 PM, ou plutôt on pourrait dire une nouvelle version studio de Friday 5 PM, qui se retrouve sur le split qu'ils ont fait avec The Brass. Pour The Brass, la pièce, ça sera Living Like a Rat. Et ces deux chansons-là, c'est ça, sont extraits du split qu'ont en commun ces deux groupes-là, qui viennent sortir aussi sur Insurgence Record. Ben, en tout cas, ça fait pas grand temps que c'est sorti sur Insurgence Record, là. C'est sorti au courant de l'année 2018, là. Puis, après ça, eh bien, vous allez avoir The Complicators avec la chanson Big Problem, qui est extrait du split qu'ils ont fait avec la formation Empire Down. Donc, dans le fond, le nom du split, c'est le split EP de Complicator and Empire Down, sorti cette année sur Pirate Press Record en vinyle. Et puis, après ça, ben, ça va être le temps de parler puis d'annoncer un autre bloc. Allez, let's go, The Press avec Factory Press. Friday, 5 PM. Get it. Oh yeah, The Complicators avec Big Problems. Et au début du bloc, on a eu The Press avec Factory Press, ainsi que Friday 5pm. Et après ça, on avait continué avec The Brass et la pièce Living Like a Rat. Maintenant, on poursuit avec La Hoye et du Punk. Ça commence avec The Prowlers et la pièce Lonely's Days, qui parle du bon vieux temps d'un bar à Montréal qui était fréquenté par des punks et des skins qui s'appelaient le Lonely's. Et puis, après ça, eh bien, on va avoir Rude Pride avec la chanson The Hate In Me, pièce qui est contre le racisme. Et puis, dans le fond, pas mal toute forme d'extrême droite, là. Bref, ça dit en gros que Rude Pride, eux autres, là, sont contre les extrémistes de droite. Parce que le fascisme, c'est de la merde. Puis, c'est ça qui est sûr. Puis, ça se retrouve sur leur split avec The Prowlers, qui est un tout nouveau split, qui est sur Insurgence Record. Et puis, c'est tout nouveau, tout frais, tout bon. Puis, c'est à conseiller à tout le monde. Puis, en plus, sur ce split-là, eh bien, The Prowlers, eux autres, ils reprennent la pièce John Jones de Rudy Miles. Puis, pour Rude Pride, eh bien, eux autres, ils font un cover de la formation de Metals qui est Just Tell Me. Fait que, très bon 7 pouces. Puis, récemment, je vous avais fait écouter les versions promo de ces deux chansons-là des Prowlers. Ben là, c'est les versions vinyles à partir de maintenant. Parce que je trouve que c'est toujours mieux y aller avec le bon son du vinyle. Puis après Rude Pride, eh bien, vous allez avoir Dead Brains avec la chanson Cringe, pièce qui se retrouve sur leur split de Noël, là, qui est un split 7 pouces avec la formation Rare Moms. Et pour les Rare Moms, eh bien, on pourrait dire, vous allez entendre une chanson qui est une reprise des Rare Moms, mais version adaptée, dans le fond, une reprise adaptée. Bref, la pièce Lego Blocks, vous allez replacer la tune des Rare Moms, j'en suis sûr et certain. Donc, ça se retrouve sur leur split de Noël qui s'appelle Merry Xmas Split. Sorti il y a pas grand temps sur Pirate Press, parce que, tu sais, l'accessoire pour les fêtes, hein. Fait que ça date de quelques semaines, pas plus. Et puis après ça, eh bien, vous allez avoir la formation montréalaise Tormen et la seconde version de la chanson thème de ce groupe, c'est-à-dire Tormen. Pièce qui se retrouve sur leur toute nouvelle cassette qui est sur l'étiquette Home Record. Donc très bonne étiquette montréalaise qui a beaucoup de cassettes à son actif. Alors ça c'est la cassette, moi dans le fond il existe 100 copies de cette cassette là. J'ai la numéro 65. Sur ce, allez let's go. The Prowlers avec Lonely's Days. Tout cela à Sky Punk. Allez, go. We'll be right back. part, j'espère que vous avez aimé cette pièce de Tarman qui s'appelle Tarman. Et puis au début du bloc, on a eu The Prowlers avec Lonely's Days, Root Pride avec The Hate in Me, That Brains avec Grinch, ainsi que Raymond's et la pièce Lego Blocks. Maintenant, continuons folk punk pour ma belle Isabelle avec The Real Mackenzies et la pièce The Massacre of Glencoe, qui se retrouve sur leur album West Wind. Après ça, Dropkick Murphys avec You'll Never Walk Alone, extrait de leur plus récent album. Et finalement, de Bretagne, les Ramoneurs de Menhir. Désolé, boys, si j'ai massacré votre nom. Oh, eh oui, les Ramoneurs, pas les Ramonures, les Ramoneurs. Donc, les Ramoneurs de Menhir avec la pièce Belle Arbre. Tout ça là, à Skypunka. J'aurais pu dire aussi Belle ARB. Allez, let's go. Daryl Mackenzie's avec The Massacre of Glencoe. Tout ça là, à Skypunka. Allez, go! armée, j'étais leur partisan. On fait la chambre. Ok, alors c'était les Ramoneurs de Menhir avec la chanson Belle Arbre, pièce qui se retrouve sur leur album qui s'appelle Dans and Diaoul. Et puis après ça, eh bien pas après ça mais plutôt avant ça, vous avez eu The Real Mackenzies avec The Massacre of Glencoe. Et ça avait été suivi de la formation Dropkick Murphys avec You'll Never Walk Alone, pièce qui est extraite de leur plus récent album, qui s'appelle 11 Short Story of Pain and Glory, sorti en 2017. Et là, on continue avec les 22 longs riffs et une pièce contre l'État islamique, la chanson Voleur de Vie, pièce qui se retrouve sur leur plus récent album et qui s'appelle Bal Populaire. Ensuite, les Béruriers Noirs avec la pièce En Pensant, pièce qui se retrouve sur leur album Même Pas Mort. Et puis après ça, eh bien vous allez avoir les Orduriniques avec À une gorgée de sauver le monde, pièce qui se retrouve sur leur album éponyme, sorti sur Musique Néfaste ainsi que Runs Record en 2017. Et puis après ça, eh bien vous allez avoir encore les Ordures Ioniques avec Héritage, dans le fond, qui est extrait de la réédition du bon vieux CD des Ordures Ioniques qui était Les Ordures se soulagent, mais là qui a été réédité en vinyle. Très bon vinyle, soit dit en passant. En fait, c'est un très bon pressage, là, le son, il sonne vraiment très bien. Et puis, après ça, on va finir le prochain bloc avec Syndrome 81. Ils nous viennent de France avec la chanson Dans les rues la nuit, pièce que vous pouvez retrouver sur la cassette Recouvrance, qui est dans le fond la gerbanthologie qui se retrouve sur Dure Réalité. Yeah! Allez, let's go! En pensant aux états qui torturent. joues cassées. Atrophié, c'est atroce et j'ai mal. En pensant aux réfugiés du monde et qui fuient dans la nuit anonyme. En pensant à cette fille perdue d'Arménie dans la rue, plus de traces. N'oubliant pas Marie Kousekine. À Paris, la police a ses crimes. Sur la foule qui s'écroule, main levée, c'est l'armée, ils sont lâches. En frappant violemment l'étudiant, les polices d'Occident sont malades. En pensant à ces hommes masqués, assassins de métiers programmés. Yeah! les rues la nuit de Syndrome 81. Et au début du bloc, on a eu les 22 longs riffs avec Voleur de vie, Berrurier noir avec En pensant, ainsi que Les Ordurianiques avec À une gorgée de sauver le monde, ainsi que Héritage. Maintenant, il est rendu l'heure de se quitter. Et on se quitte en reggae et en ska avec, tout d'abord, Matt Bomber Society et la pièce Bali, pièce qui venait clore leur bon vieil album Atomic A-Go-Go. Ensuite, The Planet Smashers avec la pièce She's So Hot, pièce qui venait clore The Attack of the Planet Smashers. Et finalement, The Specials avec Enjoy Yourself, It's Later Than You Think, pièce qui vient clore une album compilation que j'ai de la formation britannique The Special, album qui s'appelle The Best of The Special. Sur ce, bye bye et à la prochaine tout le monde pour une autre émission de Skypunk. We'll be right back. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. So God help me, my friend, that it was never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Time to shout, unity is what we need. We'll make it happen, we'll scream until our lungs bleed. Don't let the door get you on the way out. Don't let the door get you on the way out.